Les comités préparatoires brésiliens et libyens pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017 viennent d'être constitués respectivement.